Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. My face. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. Cause when you're not there, you know I can't wait. This ain't the first time I caught you out again. You spent your time in a little cubicle. In a cubicle. À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique sur les ondes de CKIFM 88.3 à Québec. Écoutez, c'est bizarre. mon micro ne fonctionne pas, alors je me suis approché de M. Castegan. Salut Andrew, ça va bien? Aussi près de moi, j'aime ton souffle sur le cou. Donc voilà, on a un problème de micro, alors on va essayer de régler ça, mais je tenais quand même à vous saluer, à vous dire la bienvenue. Une grosse émission encore, Andrew, cette semaine. Andrew, cette semaine, alors on va vous parler, bien évidemment. On va essayer de vous parler. Ben oui, c'est ça. On va parler avec Chantal Campagna de Distribution d'eau pour parler bien évidemment de jeux de plateau et jeux de société. On va vous parler également de l'exposition du Musée de la civilisation. Andrew, arrête, tu me déconcentres là avec ton sex appeal. C'est la main sur ma cuisse. Ah, c'est ça. Donc, on va vous parler de l'exposition qui a débuté cette semaine au Musée de la civilisation, Histoire de jeux vidéo. J'ai eu la chance de participer à une visite de presse plus tôt cette semaine et de parler avec le commissaire de l'exposition. On va vous présenter une entrevue que j'ai faite avec lui aussi, bien évidemment, préenregistrée. Comme à notre habitude, on vous rappelle que Puissance Maximale, c'est un site internet www.puissancemaximale.com. Vous pouvez aller écouter toutes nos anciennes émissions, podcasts et autres. Allez sur la page Facebook également. Donc, dans Facebook, vous tapez Puissance Maximale et vous allez nous retrouver assez facilement. Vous allez appuyer sur le bouton J'aime parce que nous, on vous aime, mesdames et messieurs. Et vous allez comme ça pouvoir propager aussi la page de Puissance Maximale. Voyons. Propager la page de Puissance Maximale auprès de vos amis. Donc, c'est parce que je suis comme penché et j'ai comme pas toute ma respiration. Donc, voilà, grosse émission en perspective. On va espérer que je vais pouvoir avoir un micro qui marche dans mon bar, sinon on va avoir l'air fou longtemps. Et bien évidemment, on va commencer. Là, monsieur Castegan, écoute, je t'ai pas posé la question, mais est-ce que ça va? Je suis sans voix. Et là, écoute, on n'a pas le choix, c'est vraiment bizarre, je sais pas qu'est-ce qui se passe, on va essayer de régler ça pendant... On appelle ça les jouets de Sequoia, casse pas l'ordinateur, c'est la console, c'est... On va essayer de régler ça pendant la pause musicale, parce qu'on va aller en musique tout de suite, mesdames et messieurs, on va y aller avec Simon Moine, du groupe Justine et Séverin. Tu sais, Mike, ton postillon sur ma joue gauche, ah, écoute, je m'en serais passé. Vous avez pas idée à quel point on est proches présentement l'un de l'autre, alors on vous envoie ça à Simon Moine, à Puissance Maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Danse, mon moine, danse. Ah si mon moine voulait danser, ah si mon moine voulait danser, un capuchon je lui donnerais, un capuchon je lui donnerais. Danse, mon moine, danse, tu n'entends pas la danse. Tu n'entends pas mon moulin long là, tu n'entends pas mon moulin que tiquetaqueta. Tu n'entends pas mon moulin long là, tu n'entends pas mon moulin marcher. Ah si mon moine voulait danser, ah si mon moine voulait danser, un ceinturon je lui donnerais, un ceinturon je lui donnerai. Danse, mon moine, danse. Tu n'entends pas la danse. Tu n'entends pas mon moulin long là. Tu n'entends pas mon moulin que tic-tac-tac. Tu n'entends pas mon moulin long là. Tu n'entends pas voulait marcher. Ah si mon moine voulait danser. Ah si mon moine voulait danser. Un chapelet je lui donnerais. Un chapelet je lui donnerais. Danse mon moine danse. Tu n'entends pas la danse. Tu n'entends pas mon moulin lola. Tu n'entends pas mon moulin ketiketakata. Tu n'entends pas mon moulin lola. Tu n'entends pas mon moulin marcher. Ah si mon moine voulait danser, ah si mon moine voulait danser, un froc de bure je lui donnerais, un froc de bure je lui donnerais. Danse mon moine danse, tu n'entends pas la danse, tu n'entends pas mon moulin long là, tu n'entends pas mon moulin ketiketaketa, tu n'entends pas mon moulin long là, tu n'entends pas mon moulin marcher. Ah si mon moine voulait danser, ah si mon moine voulait danser, un beau psautier je lui donnerais, un beau psautier je lui donnerais. Danse mon moine danse, tu n'entends pas la danse, tu n'entends pas mon moulin long là, tu n'entends pas mon moulin ketiketaketa, tu n'entends pas mon moulin long là, tu n'entends pas mon moulin marcher. S'il n'avait fève de chasteté, s'il n'avait fève de chasteté, bien d'autres choses je lui donnerais, bien d'autres choses je lui donnerais. Danse mon moine danse, tu n'entends pas la danse, tu n'entends pas mon moulin lola, tu n'entends pas mon moulin ketiketaketa, tu n'entends pas mon moulin lola, tu n'entends pas mon moulin ketiketaketa, tu n'entends pas mon moulin lola, tu n'entends pas mon moulin ketiketaketa, tu n'entends pas mon moulin lola, tu n'entends pas mon moulin marcher. Les Indiens nous rattrapent! Il faut faire quelque chose, mon sang! Mettez plus de charbon dans la chaudière! Mettez la puissance maximale! Puissancemaximale.com. Et oui, de retour à puissance maximale. Et oui, j'ai un micro qui marche, mesdames et messieurs. Merci, on a fait des tests, là, puis on a réglé ça. On a réglé ça, finalement. Alors, et bien évidemment, on va, comme je vous ai promis, on va aller voir tout de suite Madame Chantal Campagna, alias Fräulein Evil, de Distribution d'août, pour nous parler jeux de société, jeux de plateau. Salut Chantal, comment ça va? Ça va super bien, merci. Excellent, on aime ça. La semaine passée, on a eu un problème de téléphone, mais là, ça a l'air de bien fonctionner, donc on va pouvoir y aller avec notre chronique. Et là, tout d'abord, on va parler d'événements ludiques, parce que là, il y en a qui s'en viennent. Et tout d'abord, je sais que tu voulais nous parler, là, tu m'as fait un petit clin d'œil tantôt en disant que les Canadiens allaient faire les séries. T'étais contente de ça, là? Les Canadiens vont faire les séries! Écoute, Montréal est en liesse. Nous, ici, Montréal est au pouls de cette équipe-là. Alors, quand les Canadiens vont bien, tout le monde va bien. Mais moi, je dois avouer que j'ai un petit velours pour eux, là. J'ai toujours une place dans mon cœur pour le Canadien. Alors, je suis très contente qu'ils fassent les séries, puis j'espère qu'ils vont battre Toronto. Excellent. On est bien contents pour toi, nous, Chantal. Donc, on va parler événements ludiques. On va commencer parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient au mois de mai, et c'est le Ottawa Comic-Con qui s'en vient. Oui. Alors, la Comic-Con d'Ottawa, là, attention, c'est gros. Celle de Montréal, c'est quand même bien, mais celle d'Ottawa, c'est vraiment immense. Ça dure cette année 3 jours, alors c'est vraiment le vendredi le 10 mai, le samedi et ça se termine le dimanche le 12 mai. C'est au Ernest & Young Center à Ottawa et c'est vraiment, vraiment huge. Alors cette année, dans leurs invités, ils ont Will Wheaton, ils ont Catwoman, ils vont avoir des gens de Big Bang Theory, il y a Lauren Holden de Walking Dead, il va avoir évidemment des invités de Star Trek, il y a encore une fois des invités de Star Wars, il y a plein de monde du monde des comics et tout ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment gros. Ça va être génial, si vous avez une chance d'y aller, c'est pas loin, Ottawa, écoute, c'est 5 heures c'est de Québec, en tout cas. 4 heures de Québec? Ça vaut vraiment la peine. Pour voir quelque chose d'un peu différent de celle de Montréal, c'est vraiment se déplacer. Puis en plus, il commence à faire beau, c'est au début du mois de mai, on peut aller se promener dans Ottawa aussi, c'est une très belle ville. Mais il faut se coucher tôt, mais quand même. Donc, la Comic-Con d'Ottawa, les 10, 11 et 12 mai à Ottawa, à ne pas manquer. Et un autre événement qui s'en vient aussi, on en parle souvent à l'émission, mais là, on veut en parler le plus souvent possible parce qu'on veut que les gens se présentent. Et c'est la fin de semaine ludique à Québec, le 9 et 10 juin prochain. Oui, alors ça se passe au Centre communautaire Michel Labadie et c'est le samedi et le dimanche. Alors, Les Journées ludiques du Québec, ça fait quand même un petit bout qui roule leur bosse et c'est vraiment génial, c'est très raisonnable. On parle de 15$ pour la journée et 10$ pour la journée du dimanche ou 20$ si tu veux faire le combo samedi et dimanche. Donc, c'est réservé aux joueurs de 12 ans et plus et malheureusement, bon, ou heureusement, les joueurs entre 12 et 15 ans doivent être accompagnés d'un parent. Mais c'est une occasion vraiment géniale pour apprendre des nouveaux jeux. Il y a une ludothèque là-bas qui est prêtée par des bénévoles qui est absolument extraordinaire. Il y a Sociojeux qui est là aussi avec à peu près 400 jeux. Donc, ils sont vraiment là pour expliquer les jeux. Il y a des jeux géants, il y a des jeux qui se jouent à l'extérieur. C'est vraiment le fun. Et englobé dans cette fin de semaine ludique-là, il y a aussi le concours des plateaux d'art qui est vraiment le concours de jeux, de création de jeux le plus prestigieux au monde. Donc, ça roule quand même depuis un beau bout de temps aussi. Ça permet aux créateurs québécois de prendre un peu la place, de se mettre un peu sur la sellette. Et il y a aussi des créateurs européens qui commencent à y participer. Alors, c'est intéressant. Mais ça vaut la peine de se déplacer vraiment pour goûter un peu à ça, s'introduire un peu à ça. Et cette année, ça va être le fun parce que il y a plusieurs animateurs bénévoles qui sont des enfants. Ah, donc, on va arriver là et on se fait expliquer Carcassonne par un jeune. Donc, c'est vraiment la relève, la passion, c'est fabuleux. Ben, c'est le fun, c'est de la relève à plusieurs niveaux. Là, on parle justement des plateaux d'or, avoir des jeunes aussi qui vont animer. Ça fait que ça va être des nouveautés partout, mur à mur, lors de ces journées ludiques le 9 et 10 juin prochain. Évidemment, Puissance Maximale, on va être là pour couvrir l'événement, puis on va pouvoir enfin se revoir, Chantal, pour pouvoir continuer à parler jeux. Puis là, on va parler des, bien évidemment, là, parce que... Ah, c'est sûr! Il faut parler des et il faut s'en acheter encore et toujours. Ah, c'est sûr et certain. Et là... On va y aller dans le vif du sujet, on va parler de jeux. Et là, tu veux nous parler du grand retour de Zombicide. Ben oui, Zombicide. Alors, les gars de Zombicide, c'est des Français hein, qui ont évidemment fait un... On va dire Zombicide. Donc, le grand principe de Zombicide, en fait, c'est que c'est un coopératif. Et on va chacun avoir un personnage qui va accroître son expérience à mesure qu'il avance dans le jeu, donc qui va tuer des zombies. Évidemment, comme dans la vraie vie, quand tu fais quelque chose et que tu le fais plusieurs fois, tu apprends des trucs. Donc, nos personnages vont ramasser des armes, ils vont devenir plus expérimentés, ils vont faire moins de bruit. Donc, ils vont acquérir plus d'action dans un tour et ils vont avoir plus de puissance. Évidemment, à chaque tour, on va tourner une carte de zombies qui va nous permettre de renouveler un peu les zombies sur la table. Donc, à un moment donné, ben, ça commence à être un petit peu plus difficile parce que les zombies, c'est pas parce qu'ils sont super intelligents qu'ils gagnent, c'est parce qu'ils sont plus que nous. C'est un coopératif, donc il n'y a pas vraiment de traîtrise, il n'y a pas beaucoup de... Il peut y avoir des sacrifices nobles, mais habituellement, on ne tire pas à la courte paille pour savoir qui va être sacrifié. On joue tout le monde ensemble, c'est extrêmement convivial et les règles sont très, très simples. Ça a été un succès monstre quand c'est sorti l'année passée vers la fin de l'automne. C'était parfait pour Noël. Les gens ont vraiment été mordus. Ça a été une épidémie comme si on avait été mordu par des zombies, mais maintenant on est comme moins magané. Évidemment, il y a des extensions qui vont sortir plus tard parce que, bon, qui dit évidemment Folie furieuse dit on veut faire beaucoup d'argent. Donc, il va y avoir, il y a une première qui vient d'arriver qui s'appelle Walk of the Dead, qui se trouve à être des cartes de zombies avec plus de walkers, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que il y a plusieurs sortes de zombies dans le jeu. Il y a des walkers ordinaires qui font il y a des runners, comme dans 28 Days Later, qui vont plus vite, puis il y a des gros fatties qui sont plus difficiles à tuer. Donc, dans Walk of the Dead, on se retrouve avec des cartes qui mettent plus de walkers sur le plateau et on a des figurines de plus. La force du jeu, c'est aussi les figurines. L'expérience tactile est extraordinaire avec toutes les figurines qui se retrouvent. La qualité des miniatures est extraordinaire. Pour ceux qui aiment ça peinturer, là, c'est vraiment génial. Et dans le futur, on va voir des boîtes de Angry Zombies, des Toxic Crowd, des Chiens. chiens, des chiens pour être les compagnons des joueurs, Prison Outbreak, des Toxic City Mall avec des zombies toxiques. Donc, ça va vraiment être le Free For All, ça va être génial. Puis pour ces extensions-là, est-ce qu'on a des dates de sortie approximatives? On sait que ça s'en vient tout simplement. Walk of the Dead vient tout juste de sortir et si la tendance se maintient, je dirais qu'on va voir probablement une extension par mois là, jusqu'à la culmination d'une nouvelle boîte de base qui s'appelle Prison Outbreak qui va sortir probablement juste à temps pour que le Père Noël puisse la mettre en dessous de l'arbre de chacun des petits joueurs qui ont été gentils pendant toute l'année. On parle déjà de Noël, ça va bien, mais là, il faut compter environ là, combien là, pour Zombicide à la base, au détail, il faut s'attendre à payer combien? En fait, Zombicide en français, la version française se retrouve sur les tablettes pour 100$. Quand on pense que c'est un joueur qui s'adresse quand même jusqu'à 6 joueurs, c'est pas si pire si on divise, mais en anglais, il est quand même 90. C'est vraiment le stock qu'il y a dans la boîte, c'est extraordinaire. Il y a 12 tuiles, il y a vraiment énormément de miniatures qui sont d'une qualité vraiment élevée aussi, ça c'est intéressant. Donc le matériel est somptueux, ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. C'est sûr que ça fait peur un peu, parce qu'on se dit, oh mon Dieu, 100$, mais quand on se dit qu'on peut sortir ce jeu-là et le jouer avec n'importe qui, n'importe quand, parce qu'il y a des scénarios qui durent 15 minutes, il y a des scénarios qui durent 2 heures, on ne joue jamais avec tout le matériel qu'il y a dans la boîte en même temps. Et ce qui est génial aussi avec ce jeu-là, c'est qu'il y a un support au niveau de l'Internet vraiment, vraiment le fun parce que les gens sont fans. Il y a un fandom là, de ce jeu-là. Alors, les fans vont écrire des scénarios, ils vont les soumettre aux éditeurs qui vont ensuite les publier dans leur site Internet, mais de façon gratuite. Donc, les 10 scénarios qui sont dans le jeu de base vont vraiment être complémentés par tous les scénarios de tous les de toutes les fans finalement qui se retrouvent sur le net. Ah, ça c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant, ça rajoute un petit côté justement qu'on retrouve souvent dans les jeux de rôle ou sur Internet, mais là on peut appliquer ça à notre jeu de plateau. Là on va passer à un autre jeu, Chantal, tu voulais nous parler de Lady Alice, un jeu d'enquête. Oui, mais c'est un jeu d'enquête, on passe à un jeu un petit peu plus softcore, là, si tu veux. C'est dans le l'univers de Sherlock Holmes. Et on va avoir, c'est vraiment une enquête. La mécanique de Lady Alice, c'est vraiment simple. Et d'ailleurs, ça s'adresse là aux enfants à partir de 8 ans. Par contre, il y a beaucoup de subtilités. C'est vraiment superbe. Il y a 38 cartes, 8 par type d'information qu'on va avoir à déduire. En début de partie, on va prendre face cachée une preuve de chaque type qu'on va mélanger. On va en distribuer une à chaque joueur. Et chaque joueur va maintenant connaître son morceau du mystère qui va être à résoudre. Donc, c'est dans l'univers de Sherlock Holmes. Le matériel est très beau, l'atmosphère est là aussi. C'est pour les enfants, c'est pour les adultes, c'est pour vraiment, là, c'est très, très familial. Comment on gagne? Ben, il y a une phase après le verdict qui consiste à miser sur la potentielle vérité parce qu'on va pouvoir là, dire « Ok, je crois que blablabla blablabla bla, » et après ça, les joueurs vont avoir reçu des jetons. Ces jetons-là ont des valeurs, donc il va avoir un vote. Il y a des joueurs, on peut accuser. C'est un jeu qui est très, très très, très interactif, de toute beauté, très, très cute. C'est déjà sorti, c'est sur les tablettes dans toutes les bonnes boutiques du Québec. Est-ce qu'il faut s'attendre à des longues parties pour ce jeu-là? Non, c'est des quand on parle quand on parle d'un jeu qui s'adresse à 8 ans et plus, on sait que ça ne durera jamais plus que 30 minutes. De toute façon, avec 32 cartes d'indices, on ne peut pas vraiment aller plus que ça. C'est vraiment, là, c'est un beau petit jeu qui est concis, qui est simple, qui est fluide, mais qui a une belle profondeur. Donc, on peut jouer avec... qui a une rejouabilité qui est intéressante. Ça dure 30 minutes. Excellent. Donc, on parlait de Lady Alice. Et là, une création... Tu vas nous parler d'une nouvelle création québécoise, un jeu qui s'appelle À la conquête de la couronne d'or. Oui, À la conquête de la couronne d'or. Ça, c'est un jeu... Ben, c'est un jeu de conquête. C'est un jeu de quête. Donc, les joueurs... En fait, c'est un jeu qui met en scène des enfants, c'est ça qui est intéressant. Donc, on retrouve quatre jeunes qui sont sur le bord de la forêt mystérieuse et qui sont en train de jouer dehors. Et évidemment, ils n'ont pas le droit d'aller dans la forêt mystérieuse, mais ils décident d'y aller quand même. Et là, à partir du moment où ils rentrent dans la forêt mystérieuse, ils vont rencontrer des épreuves qu'ils vont devoir résoudre soit ensemble collectivement ou soit individuellement pour être capables de gagner des galons. Et quand ils vont arriver complètement à la fin du labyrinthe magique, ils vont se rendre compte qu'ils ont, dans leur quête, assemblé des pièces d'un élixir qui va servir à ressusciter une reine qui avait été assassinée par des méchants. Alors, à partir du moment où ils ont donné l'élixir magique à la reine, ils vont pouvoir gagner la couronne d'or. Donc, c'est un jeu vraiment qui s'adresse à du 8 ans et plus. C'est un jeu qui, si se joue tout d'une shot, parce qu'il y a plusieurs épreuves à traverser. Si on le joue tout d'une shot, ça peut durer jusqu'à 2 heures, mais la beauté de la chose, c'est que le plateau est sans être modulaire, les épreuves n'ont pas besoin d'être jouées toutes en même temps. Donc, on peut dire, OK, on va faire une première et on va serrer le jeu et demain, on va continuer. Les jeunes, pour faire les épreuves, vont devoir collaborer ensemble. Donc, ça développe finalement leur esprit altruiste de partage aussi, mais en même temps, il y a des questions pour avancer, si tu veux, sur le parcours. On va répondre à des questions d'intérêt général. Il va y avoir des questions aussi sur la mythologie, les petites créatures magiques de la forêt, des choses comme ça. Donc, les enfants vont apprendre des choses, mais en même temps, on n'oublie jamais le côté ludique de la quête. Donc, c'est assez simple. C'est un jeu vraiment à vocation familiale où les parents vont pouvoir jouer avec leurs enfants, apprendre des choses, puis personne ne s'ennuie. Puis c'est une belle création québécoise. C'est une gang de 3 tripeux, finalement, qui sont dit « Ah, nous, on aimerait ça retrouver ce genre de valeur-là dans des jeux. » Ils l'ont pas trouvé, alors ils se sont dit « Ben, coudonc, on va le faire. » Donc, ils ont travaillé, eux autres, pendant 10 ans. Ils l'ont fait imprimer tout le kit. Le matériel est très, très beau. C'est 100% Québec. Et maintenant, c'est disponible un peu partout. Donc, on leur souhaite bonne chance à la conquête de la province d'or, qui se trouve à être le Québec. Donc, la conquête de la couronne d'or, c'est disponible maintenant dans toutes les bonnes boutiques québécoises. Franchement, un jeu intéressant, développe le côté coopératif, les connaissances générales, qui nous permet de jouer finalement notre partie en plusieurs fois, sans être obligé de faire tout ça one shot et 100% Québec. Écoute Chantal, c'est une merveilleuse suggestion, je te remercie beaucoup. Et là, on va aller vers un autre titre, vers le titre Jumpy Jack, mais qu'est-ce donc que ceci? Jumpy Jack, mais qu'est-ce donc? Ça, c'est le jeu parfait pour amener au camping, puis plommer complètement tous les gens qui sont dans les terrains à côté. Tu l'as deviné, c'est un jeu de paris. Donc, c'est un jeu de course de cheval. Le matériel, encore une fois, est très beau. C'est une planche en bois feutrée avec une piste de course. Et on va avoir 6 figurines de chevaux qui sont en métal. Donc, c'est très, très le fun. C'est hyper tactile. On va chacun parier sur quel cheval va arriver premier, deuxième et troisième, et on va seulement avoir des points lorsqu'on a vraiment parié sur la bonne position. Donc, par exemple, si j'ai mon cheval noir que j'avais dit qu'il arrivait en première position, arrive en deuxième, je ne ferai 0 point. Si, par contre, il arrive en premier, je fais 2 points. Si j'ai 2 chevaux que j'ai bien deviné, je vais faire 4 points. Et si j'ai 1, 2, 3, ah ben là, c'est génial, je fais 10 points. Et la partie se termine quand un joueur arrive à 16 points. La génialité derrière la chose, c'est qu'on peut jouer de 2 à 16 joueurs. Oh, ça, c'est le fun. Et ce qui est difficile, évidemment, c'est que sur le plateau, sur la piste de course, il va y avoir des cases qui vont nous permettre d'éliminer des chevaux, qui vont nous permettre que des chevaux aillent plus vite, que les chevaux recommencent au début. Fait que c'est sûr qu'il y a des petites embûches comme ça là, pour que ça soit intéressant. À son tour, c'est simple. On prend le dé, on le roule, on roule le 4, on fait avancer de 4 cases le cheval de notre choix. C'est pas obligé d'être un cheval sur lequel on a parié. Donc, on essaye de deviner ce que les autres ont parié en regardant ce qu'ils font, tout en essayant de bluffer pour que les gens ne devinent pas que nous avons parier sur le cheval rouge qui est justement à l'avance pour éviter qu'il le sorte de la course. Donc, c'est vraiment un jeu hyper interactif. C'est des parties qui durent 20 minutes, mais bon, on devrait pas l'encourager, mais c'est drôle quand on joue à l'argent. Mais on l'a joué avec vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde et c'est vraiment hyper convivial. On a autant de plaisir à regarder les gens jouer qu'à le jouer. Mais c'est ça que j'allais dire, c'est ça qui est le fun. On peut avoir beaucoup de monde avec nous, puis en plus, on peut rajouter le petit côté monétaire entre amis comme ça là, pour s'amuser. Ah, c'est un jeu qui est vraiment là, hyper, comment je pourrais dire, il est très photogénique parce que c'est le fun. On vient à un moment donné super énervé. Go! Go, Nougat! Go! Donc, c'est drôle. Mais c'est léger. C'est parfait pour... en fait, là, c'est un jeu de vacances parfait. Parce qu'on peut toujours jouer. Tout le monde sait jouer. Ça prend 10 secondes à expliquer. Et puis après ça, allez hop, on plume les pigeons. Ah, excellent. Donc, on parlait de Jumpy Jack. Et là, on va aller vers déjà le dernier jeu. Mais là, on rentre dans la troisième saison de l'excellente série Game of Thrones. Mais là... On va aller, ça fait que là, dans cette frénésie-là là, des fans, là, on va parler d'un jeu de Game of Thrones, on va parler du jeu de cartes. Ben en fait, c'est le deuxième jeu de cartes du Trône de Fer, parce que il y a quand même déjà au moins 10 ans, Fantasy Flight avait sorti un jeu de cartes qui appelait leur Living Card Game, qui était basé sur l'univers de Game of Thrones. Évidemment, l'univers de Game of Thrones, c'est extrêmement riche et le jeu de cartes reflétait cet univers-là. Donc, les cartes, en fait, les relations entre les cartes, c'était très, très complexe. Et si on n'avait pas, en fait, lu les livres, c'était très difficile de le jouer parce que c'était basé sur le même principe qu'un jeu de cartes à collectionner, sauf que on connaît à l'avance le contenu des boosters. C'est un jeu d'une richesse absolument incroyable. C'est vraiment superbe et ça reflète à merveille toute l'infamie de la politique qu'on retrouve dans cet univers-là. Le jeu de cartes de Game of Thrones de HBO, qu'on appelle là, pour le séparer de l'autre, en fait, les images sont des images qui sont tirées de la série. Donc, on va retrouver le Ned Stark de la télé. On va retrouver le Jon Snow de la télé. Donc, ça s'adresse vraiment à des gens qui ont été conquis par la série et qui ont le goût de jouer à un jeu qui va les ramener dans cet univers-là. Ça ne s'adresse plus aux gens qui ont le goût d'un jeu un petit peu plus complexe et qui ont lu les livres. OK? Parce qu'on s'entend que la série... ils ont simplifié un peu, il y a des personnages qu'on a enlevés ou qu'on a modifiés aussi. Et c'est quand ça n'empêche que c'est une série fabuleuse, là, mais c'est un petit peu plus simple. Et puis, le Game of Thrones, le jeu de cartes, c'est un jeu à 2 joueurs, alors que le jeu de cartes original était pour 4 joueurs. Donc, on a enlevé un petit peu, on a finalement enlevé certaines... comment je pourrais dire, épaisseur de complexité pour garder seulement le cœur de la mécanique qui était vraiment génial et permettre aux gens de continuer d'explorer l'univers du Trône de Fer sans que la courbe d'apprentissage soit trop élevée. Excellent. Donc, merci beaucoup, Chantal, de nous avoir parlé de cette nouvelle mouture du jeu Game of Thrones en carte. Et là, je rappelle rapidement des titres dont tu nous as parlé. Tu nous as parlé de Zombicide et de ces nombreuses extensions qui s'en viennent ou qui sont déjà sur les tablettes. Le jeu Lady Alice, jeu d'enquête dans le monde de Sherlock Holmes. Une nouvelle création québécoise aussi dont tu nous as parlé, La conquête de la couronne d'or. Jumpy Jack, un jeu de paris de chevaux. Et finalement, comme on vient de parler, là, du Game of Thrones... version carte, la nouvelle mouture. Merci beaucoup, Chantal, de nous avoir donné de ton temps pour nous parler jeux de plateau et jeux de société à puissance maximale. Ta collaboration est toujours très appréciée. Ça me fait toujours un grand plaisir. Merci beaucoup, Chantal, et on va se voir, on va se reparler prochainement, soit à l'émission ou on va se revoir aux Journées ludiques à Québec. Génial! Salut, Chantal, merci beaucoup. Bye. Et M. Castegan, on va continuer en musique. Oui, avec la toune Comme des bêtes. Oui, du groupe Lofofora. Vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Comme des bêtes. Domestiques et menées à la baguette. Une enfance comme Hallo, ich bin Peter Eckert von den Eckert-Spielen aus Hamburg und Sie hören jetzt Puissance Maximale. Alors bonjour à tous, la puissance maximale ici au Musée de la Civilisation de Québec en compagnie de M. Philippe Dubois qui est finalement le commissaire d'exposition de la nouvelle exposition Histoire de jeux vidéo ici au Musée de la Civilisation. Bonjour M. Dubois, ça va bien? Bonjour, je vais très bien, je vous remercie. Alors là, on est présentement au Musée de la Civilisation, là, on a fait une visite là, pour la presse, d'ailleurs félicitations, une super belle présentation. Merci beaucoup. On a vu que les gens essayaient de vous contenir tellement vous êtes un homme passionné, là. Vous nous parliez de... Il y a beaucoup d'éléments parce qu'il faut dire que c'est une exposition très complète, mais c'est pas créé spécialement pour le musée. C'est une exposition qui a été présentée à Paris en premier. Alors, c'est un modèle d'exposition auquel déjà nous réfléchissions depuis plusieurs années au sein de l'association. Nous avons eu effectivement l'opportunité de la produire avec les musées nationaux en France au Grand Palais, qui était un très très bel édifice. Donc ça a été très ardu d'ailleurs de convaincre jusqu'au ministère de la Culture. Et finalement, c'est une exposition qui a très très bien marché en termes d'intérêt, en termes de représentation, et surtout qui sert définitivement la légitimisation du jeu vidéo par rapport à son placement dans notre société, son placement sociétal, son importance sociétale dans notre civilisation. Et c'est ce qu'on a voulu voir figurer et c'est ce que le MCQ a voulu reconduire dans ce déport, ce premier déport international de l'exposition Game Story qui s'appelle ici donc une histoire des jeux vidéo. Vous faites partie d'une association en France qui veut finalement qui veut conserver le patrimoine numérique, comme il est inscrit sur le site. Parlez-nous un peu de cette association-là, l'origine de l'association. Ben, l'origine de l'association est très simple, c'est que finalement nous sommes réunis entre collectionneurs, entre fans à la fois de jeux vidéo, d'informatique, de programmation. Il y avait d'ailleurs beaucoup de joueurs de jeux de plateau, de jeux de rôle. Et nous sommes réunis en nous disant, mais nous avons tous des intérêts à finalement à préserver quoi ? À préserver notre culture. Le jeu vidéo fait partie de notre culture. Moi-même, j'ai 41 ans depuis deux jours. J'ai toujours vécu dans le jeu vidéo. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, comme on dit. Et donc, le jeu vidéo fait partie de moi. Et s'il fait partie de moi, c'est-à-dire qu'il fait partie de ma culture. Et donc ça, on ne pourra jamais me l'enlever finalement, même si c'est difficile à prouver auprès d'instances culturelles, on va dire classiques, qui sont mêlées aux arts classiques, qui sont la peinture, la littérature, etc., que d'expliquer que finalement les fondements même de mon être ne sont pas liés fondamentalement au cinéma, etc., bien qu'il y ait une part très importante liée à cela, mais c'est avant tout le jeu vidéo. Et donc pour nous, c'était important de préserver toute cette culture-là, ce patrimoine-là, en devenir quel jeu vidéo, et de le voir présenté un jour, nous espérons tous, au sein d'un musée national qui lui sera entièrement dédié. Alors, tout ça nous amène à l'exposition d'histoire de jeux vidéo ici à Québec. Et je peux vous dire, j'ai fait la visite avec vous, je peux vous dire que c'est une exposition très complète parce qu'on a d'abord, ce qui est très important, je crois, là, pour le jeu, c'est qu'on a des bornes jouables. On va pouvoir jouer à des classiques. Ce que vous nous dites au début de la visite, finalement, des exemples très représentatifs des différentes aires du jeu vidéo. Mais il n'y a pas juste ça. Ce que je trouvais intéressant, c'est vous nous parler aussi des influences et des sources du jeu vidéo parce que les concepteurs, à l'époque, ne sont pas arrivés... C'est pas arrivé par le Saint-Esprit, là. Tout à fait, oui, c'est un des deux axes. Donc le premier axe, c'est d'abord, de l'exposition en termes forts, c'est d'abord rendre le jeu vidéo expérimentable, jouable, parce qu'il était hors de question de présenter toutes ces œuvres-là hein, simplement avec des vidéos comme sur YouTube ou avec des jeux qui étaient uniquement posés sous vitrine. Il fallait que, pour appréhender le jeu vidéo, le comprendre, il faut y pouvoir y jouer. Ça, c'est évidemment notre motif et le fondement même de cette exposition. Et ensuite, pour prouver la valeur et le placement notamment sociétal du jeu vidéo, nous l'avons fait figurer par rapport à beaucoup d'autres documents, très majoritairement issus du cinéma, mais également de la littérature, par exemple, dans lesquels on donne des sources d'explications, des sources potentielles de placement de certaines œuvres pour dire que potentiellement le créateur de Tetris, le créateur de Street of Rage, de Another World, etc., se serait peut-être inspiré de telle œuvre au cinéma, de telle œuvre de littérature, etc. Et ça permet de légitimiser le jeu vidéo, justement. Puisqu'on parle cette fois-ci plutôt d'art classique, comme le cinéma ou la peinture, la littérature, avec notamment les estampes japonaises qui sont figurées dans l'exposition, qui sont très importantes, eh bien, ça permet de légitimer le jeu vidéo en disant c'était également une œuvre de l'esprit et elle est issue potentiellement un petit peu du même processus intellectuel que les créateurs, que ces gens-là qui ont fait ces estampes, qui ont fait ces tableaux, qui ont écrit ces romans, etc. C'est la même chose. C'est aussi important pour notre société de conserver maintenant le jeu vidéo pour prouver sa légitimité et le fait que c'est devenu du patrimoine culturel qui représente notre société maintenant depuis plus de 40 ans. Justement, dans l'exposition, vous nous présentez le jeu vidéo comme étant une œuvre culturelle complète où tous se rassemblent finalement dans ce produit-là. On parle de littérature, on en parlait, là, de cinéma également. Mais on vous parlait aussi de l'industrie. Il y a un petit clin d'œil aussi à la crise de 1983 du jeu vidéo américain. Je vous pose la question personnellement, là, avec ce qu'il y a présentement dans l'industrie, là, ce qu'on voit évoluer, c'est quoi un peu votre opinion sur l'industrie du jeu vidéo présentement, là? Eh bien, on a créé expressément une vitrine pour ce phénomène qui a été vraiment très très intéressant dans les années 82-83 aux États-Unis, qui est donc la première crise des jeux vidéo, la seule qu'on ait réellement connue, mais on pourrait partir dans le détail et expliciter finalement qu'il y a eu des mini-crises un petit peu identiques pour certaines consoles même actuelles, et surtout donner un axe de réflexion pour les consommateurs de jeux vidéo, pour les joueurs de jeux vidéo, ceux qui achètent les jeux, à savoir que le marché existe pour eux et pour eux, enfin par eux et pour eux. Et donc ils ont une importance capitale dans le maintien justement de ce marché-là et qu'il ne faut pas finalement se laisser filoguider par des industriels qui auraient tendance, eux par exemple, lorsqu'on parle de la dématérialisation dans le jeu vidéo, à nous déposséder des jeux vidéo pour les rendre uniquement accessibles sous la forme de services. C'est-à-dire que vous louez un jeu vidéo, il ne vous appartient plus vraiment. Et ça, je trouve ça, déjà, très, enfin limite scandaleux pour ma part, puisque je suis un vieux joueur, vieux joueur de jeux vidéo et j'ai mes CD-ROM, j'ai mes cartes de jeux, elles m'appartiennent, elles sont à moi, tout comme mes romans, mes DVD, etc. C'est la même chose. Et c'est potentiellement très dangereux pour la propriété intellectuelle. Le fait que lorsqu'on achète un objet, il est censé nous appartenir. C'est un message qui voilà, peut être porté, enfin, est porté à la fois aux consommateurs pour leur demander d'être un petit peu méfiant par rapport à ce qui se passe actuellement dans le jeu vidéo, pour les nouvelles consoles ou les nouveaux services qui arrivent, et donc aux industriels pour ceux qui se rappellent qu'il ne faut pas que, comme le dit le dicton qui est connu en France, peut-être certainement au Québec aussi, qu'il ne faut pas scier la branche sur laquelle on est assise. Et donc ce n'est pas en trompant le consommateur que l'on va partir sur un axe de longue durée. Donc ça sera peut-être potentiellement valable financièrement à court terme, mais sur le moyen ou long terme, il pourrait très bien se retrouver face à la même situation qu'en 82 aux États-Unis. Voilà. Merci beaucoup. En terminant, une dernière question. Est-ce que vous, l'association, et avec cette exposition-là, est-ce que vous avez des projets futurs de vous déplacer ailleurs, ou est-ce que vous avez d'autres idées d'expositions ou de manifestations comme ça? On a beaucoup d'autres idées. on est vraiment porté par d'innombrables idées par rapport à la présentation du jeu vidéo. Ici, on est par exemple sur une exposition qui est très majoritairement à but patrimonial. Nous aimerions recréer un nouveau modèle d'exposition qui aille un petit peu plus loin, qui aille explorer notamment les déports artistiques qui sont issus du jeu vidéo, peut-être donner aussi des axes de prospective, l'avenir du jeu vidéo, des nouvelles interfaces, etc. Et donc potentiellement, c'est ce que nous aimerions recréer, reprendre ce support-là effectivement existant qui est quasi unique au monde, et puis l'augmenter, le rendre encore plus intéressant, beaucoup plus grand, beaucoup plus vivant encore, et surtout orienté vers l'avenir. Voilà ce que nous aimerions faire. Je vous remercie beaucoup, M. Dubois, commissaire de l'exposition Histoire de jeux vidéo ici au Musée de la Civilisation de Québec. Merci beaucoup, M. Dubois. Merci à vous, et puis j'espère surtout que vous nous visiterez. Très certainement. Merci. Merci. I walk these streets where my soulless feet haunt the ground where it was I once tread. On Grafton's arcade pours the rich commerce rain, though the voices I no longer hear speak. Heaven's to blame, so on that I'll abstain, as clean the church from my cracked fingernail. But don't let me die still wondering what it was I left behind. From God's golden plate, begrudgers they eat till their bellies burst ignorance bliss. Never they roam, a wanderless home is as far as their sorry I sin. Give me a rusty old coat, well trampled and soaked, until these ashes and blood mingle clean. But don't let me die still wondering what it was I left behind. Wandered once scattered beliefs, so when the waves come crashing in, I swim as the ocean swims, out with the morning tide, back for my team. So I'll do as I please, like the well-tempered breeze, blowing which way I see fit. And I'll gray with the clay 7 days till the day when they throw me on the potter's scrap heap. But take my advice, you'll have to bury me twice, 'cause the first time I will rest easily. But don't let me die, still wondering what it was I left behind. So don't let me die, still wondering what it was I left behind. I want a race well run, ahead of the gun, where to dance before the far finish line. So no life on regrets, only well-feathered steps, till these shields I can no longer shine. But don't let me die, still wandering, for the love I left behind. Bonjour tout le monde, ici Bonhomme Carnaval. Vous écoutez Puissance Maximale, installez-vous à vos jeux et soyez comme moi, le meilleur dans ce que vous faites. Et oui, de retour à Puissance Maximale après avoir entendu M. Philippe Dubois, commissaire de l'exposition Histoire de jeux vidéo au Musée de la Civilisation, que j'ai eu la chance d'interviewer quand j'étais de passage à la visite. Et là, je vais vous parler de cette visite au Musée de la Civilisation. On a été conviés, nous, membres de la presse, à nous présenter pour une visite de presse au Musée de la Civilisation mardi dernier. Donc, je m'y suis rendu parce que j'avais bien hâte de voir cette exposition-là. Il y avait eu beaucoup de pubs. Puis le matin même, en plus, ben j'avais écouté à Radio-Canada, à l'émission de Claude Bernatchez. C'est un spécial complètement là-bas. Il parlait avec des gens qui étaient venus visiter en avant-première, des experts aussi. Écoutez, petite note comme ça, invitez des gens de Puissance Maximale la prochaine fois à couvrir votre émission. Donnez-nous un micro, là, Jeune Radio-Canada, là, sur les ondes publiques pour qu'on puisse vous donner... des vrais trucs d'experts, là. Laissez l'animation à la Puissance Maximale, là, de nouveaux invités, mais on va s'arranger avec ça. C'est pas que l'équipe de Claude Bernatchez est pas bonne, mais pour ça, on aurait été meilleur, moi puis M. Castegan, je suis pas mal sûr. Des médias spécialisés. Et voilà. Mais, blague à part, c'est ça, on a visité, en fait, M. Dubois, le commissaire. Cette entrevue-là que j'ai fait, ça s'est passé tout de suite après la visite. Il nous a fait visiter ça en nous présentant les axes, ou les zones, en fait, de l'exposition. Donc, je vais vous nommer ça rapidement. Zone 1, donc de 1972 à 77, Pong et ses dérivés. Et il y a une borne originale de Pong que vous allez pouvoir voir. Malheureusement, pas jouable, parce qu'il y a à peu près 80 bornes jouables de jeux là-bas. En fait, on me dit qu'il y en a 88. C'est que ça fait pas mal de jeux que vous pouvez essayer. Pour cette borne d'arcade-là, on peut pas la tester. C'est une relique, là. Elle n'est pas jouable, mais c'est toujours le fun de voir ça. Y en a une, par exemple, un truc où on peut jouer à Pong. Là. C'est comme aller visiter le parc jurassique. Ouais, c'est ça. C'est le T-Rex de l'exposition. Ouais, c'est vraiment... Non, mais c'est vraiment impressionnant de l'avoir. Puis, de toute façon, il y a une autre borne où on peut jouer à Pong qui est pas loin. Après ça, on a la zone 2 qui est de 1977 à 1983. Les premiers jeux en couleur. Et là, on peut essayer des jeux tels Pitfall sur Atari. Malheureusement, le petit côté plus plate un peu que j'ai trouvé de la visite de presse, on se sentait pas comme invité à rester pour vraiment tester les jeux. Faut dire que la plupart... C'était des médias plus mainstream un peu, ça fait que les gens sont moins intéressés. Comme il y avait d'autres personnes comme moi qui auraient voulu rester plus longtemps pour tester. Mais j'ai quand même testé quelques jeux rapidement. Mais après mon entrevue, je suis pas resté très très longtemps. Là, je voyais que pas en enlever au musée, ils sont très gentils de nous avoir invités. Mais je voyais que il était occupé à peaufiner aussi. Il faut dire qu'il y a des bornes qui avaient des petits problèmes techniques aussi, c'est que j'imagine qu'il voulait peaufiner tout ça. Même j'aurais aimé ça rester pour pouvoir justement tester ces fameuses bornes-là. Donc, Pitfall, Showdown, Space Invaders, Les Schtroumpfs au Château de Gargamel, ouais, sur un micro-ordinateur dont le nom m'échappe. J'ai pas le nom de tous les systèmes qui sont là, mais il y en a énormément. Tron et Miss Pac-Man. Ouh, yeah! Ça, Endo, je savais que t'allais être content. Ça, c'est une borne d'arcade jouable que vous pouvez tester. Donc en 1983. Là, c'est moi, j'étais pas là avec toi, Michael, là, mais c'est quand on y retourne personnellement, question que j'aille écrire mon nom sur cette machine-là, là, avec le high score. Là. On va aller voir ça prochainement. On va aller faire une visite. Moi, c'est ça, j'y retourne parce que je veux vraiment prendre le temps de visiter comme il faut puis de tester les différentes machines. Donc. Question comme ça, je viens d'avoir un flash. Oui, vas-y donc. Normalement, on va dans les musées. Puis les musées, c'est silencieux normalement, le plus possible. Ah non, il y a du son. Il y a du son, c'est bon d'arcade. Oui, oui, oui. Là, il était pas trop fort parce que, comme je dis, tu sais, on arrive là, il y en avait juste les gens de la presse. Donc, c'était plus tranquille, mais j'imagine qu'ils mettront pas le son dans le tapis. Là. Mais il y a du son, là, on peut l'entendre. Là. J'ai joué à Street parce Fighter. Que, on s'entend que jouer à Pac-Man, pas de son, s'enlève. Ça un prend peu, le waka waka waka. C'est ça, tout à fait. Là. C'est sûr, j'aurais préféré vraiment une arcade de Pac-Man. Là, mais bon, je peux passer par-dessus le fait qu'il y ait un ruban. Il y en a une à côté, mais malheureusement, celle-là n'est pas jouable. Puis je présume qu'il y a l'arcade des roses aussi. Il me semble qu'avec Pac-Man, la borne était rose. Elle n'est pas rose au complet, je pense qu'il y en a un peu, mais de mémoire. Ouais, je vais piler par-dessus ma virilité pour y jouer. Pour pouvoir y jouer. C'est ça. Après ça, ben évidemment, avec 1983, on se rappelle qu'il y a eu la fameuse crise du jeu vidéo aux États-Unis, là, où il y a eu des pertes de plusieurs millions de dollars. Et après ça, on va vers la zone 3, de 1983 à 89, l'ère du dessin, là où on rentre. Dans le vif du sujet avec la NES, donc Super Mario, Donkey Kong, Alex Kidd, on a Castlevania, Double Dragon, Mega Man, Metal Gear 2, Barbarian 1, Final Fantasy 1, Gunsmoke, Karateka. Donc vous avez du Nintendo et vous avez des plus vieilles consoles encore. Encore une fois, j'ai pas tout le nom de tous les systèmes qui sont disponibles, seulement les jeux, mais je fais un survol rapide, je vous rappelle. Donc zone 4, 89 à 94, l'ère du pixel. Donc là on va vers le Super Nintendo avec des jeux puis d'autres systèmes, entre autres Sega Genesis. Juste ça rapidement encore Street of Rage 2, Street Fighter 2. Vous allez avoir R-Type, Indiana Jones, King of Fighters 98, Thunder Force 3, Super Mario Kart, Bomberman 94, Sonic the Hedgehog. On a Monsieur Endo qui est content. Zone 5, là, je ne les nomme pas tous les jeux parce qu'il y en a beaucoup. Pas autant que Pac-Man, là, mais oui. D'accord. Zone 5, 94 à 99, l'arrivée de la 3D. Là, on rentre avec les Nintendo 64, PlayStation 1 et j'ai été une Dreamcast avec Soul Calibur 1. Donc, entre autres, là, rapidement, Super Mario 64, Pokémon, Wario Land 3, Alone in the Dark, Doom, Warcraft. J'ai essayé de jouer à Doom sur PC, mais quand j'étais allé, le système a crashé, malheureusement. Je voulais réessayer mes fameux codes que je me rappelais. IDKFA et IDDQD pour avoir des balles, pour se redonner des balles et être invincible. Je vais aller faire une coupe de level de Doom. J'ai pas eu le temps, malheureusement, et la machine a lâché. GoldenEye 007, Sonic Adventure, Star Wars, TIE Fighter. Donc, on a du PC aussi, pas juste de la console dans cette exposition-là. On va vraiment partout dans le jeu vidéo. Zone 6, 2000 à 2005, l'image, on dit que l'image s'affine. Donc, on va vraiment dans le 3D qui devient de plus en plus meilleur avec des jeux comme Call of Duty, Resident Evil 4, World of Warcraft, Halo, Crimson Sky, Star Wars Rogue Leader, Metroid Prime, Donkey Kong 2, et finalement, la dernière, zone 7, qui est beaucoup plus récente, où on va aller vers justement les jeux HD et rétro aussi, avec justement là, des jeux de belle qualité, mais à tendance rétro. On parle de jeux comme Child of Eden, Wipeout Pure, StarCraft 2, Little Big Planet, Crysis 2, Naruto Ultimate, Ninja Storm 2, Angry Bird, on a Assassin's Creed 3, bien évidemment, Non-Attaque de Frima. Faut dire que il y a des jeux Amazing Spider-Man de Binox et Rayman Legends d'Ubisoft, parce que le principal partenaire, c'est Ubisoft, mais Frima et Binox ont aussi participé à l'exposition. Donc, en gros, c'est vous voyez, c'est ça. Il y a des bornes, justement, vous allez avoir l'explication historique de chacune des zones. Vous allez pouvoir tester des histoires aussi sur l'inspiration. On en a parlé dans l'entrevue, sur l'inspiration qui ont amené vers quel type de jeu vidéo. Aussi sur la période, on peut tester. Écoutez, moi, j'ai été emballé. J'ai adoré ce que j'ai vu. Petit problème au niveau technique sur certaines bornes qui ne fonctionnaient pas, mais j'imagine de toute façon c'est ça qui était en peaufinement pour l'inauguration du soir et aussi pour la première journée là, qui était le lendemain. Donc beaucoup, beaucoup de choses à tester, beaucoup de choses à voir, un bel environnement, on n'est pas trop pogné. C'est sûr que là, dans les premiers temps, il va y avoir beaucoup de monde, mais c'est là quand même un bon bout là, jusqu'à l'année prochaine, si je me rappelle bien, mai 2014. Puis en plus, il y a des activités itinérantes qui vont se promener, des activités comme des tables rondes, des soirées de jeux vidéo justement, avec gros joueur qui va venir animer le 11 mai. On va fêter quelqu'un, une de nos amies le 11 mai. Là, on pourrait aller finir ça là-bas. C'est le musée de la civilisation de 20h à minuit. C'est clair. Avec des DJ. Je les ai vus, gros joueurs, justement, au GeekFest. C'est et, ça, gros joueurs va être là. Ça vaut la peine, ça vaut la peine. Gros joueurs va être là avec des DJ qui font de la musique 8 bits. Il va y avoir des gens de La Planque, de Fanamanga, tout du monde qu'on aime beaucoup. Donc, du Bubble Tea qui va être présent. Il y a un service de bar, donc. Écoutez, pour les fans de jeux vidéo, je pense que c'est un rendez-vous le 11 mai au soir, 20h, ça va être au musée de la civilisation, si j'ai bien compris. Parce que je sais qu'il y a des activités ailleurs. Je lis rapidement comme ça, oui, ça doit bien être ça. Donc, c'est 10$ pour entrer ou 5$ pour les abonnés ou étudiants. Donc, c'est un rendez-vous. Autre activité rapidement, challenge de Pixel Québec, une compétition internationale de jeux vidéo et d'animation qui va avoir lieu du 20 au 23 juin. Qui s'en vient au musée de la civilisation. Bien évidemment, au mois de septembre, Warp Zone 6, organisé par La Planque. On adore ça, à puissance maximale. Ben, ça va être au musée de la civilisation également, le 14 septembre prochain. Et le 28 octobre, cinéma en jeu. Donc, on nous parle de phénomènes culturels de masse, le jeu vidéo et son esthétique. S'insinue maintenant dans la salle obscure du cinéma. Et là, on a des présentations qui vont s'en venir à ce niveau-là. Et le 31 octobre, soirée spéciale de lancement d'Assassin's Creed 4 Black Flag avec Ubisoft Québec. Donc, on va s'arranger pour être là. Oh oui, on va aller voir ça, c'est sûr et certain. On va contacter les gens qu'il faut. Alors, écoutez, beaucoup d'activités reliées à cette exposition-là. L'activité en tant que telle vaut la peine de se présenter au Musée de la Civilisation jusqu'au mois de mai prochain, mois de mai 2014. Allez-y. Aller tester, aller jouer, aller apprendre sur l'histoire du jeu vidéo, et aller constater. Puis ça, c'est autant pour les fans comme nous, finis que les néophytes. Aller découvrir que finalement, le jeu vidéo, c'est un art à part entière, un mix de plusieurs types d'art, de plusieurs médiums, et que c'est effectivement un produit culturel à part entière et complet. Voilà. Donc, un must à Québec pour l'année qui vient. Et moi, je n'ai qu'une chose à dire. Miss Pac-Man, prépare-toi. Je m'en viens, bébé. Oh oui. Merci, Andrew, pour ce mot de la fin, finalement, parce que c'est déjà la fin de Puissance Maximale. Ça s'est passé tellement vite. Écoutez, on remercie Mme Chantal Campagnat de Distribution Dude qui nous a parlé via téléphone de jeux de société, jeux de plateau. Toujours, toujours plaisant d'avoir Chantal. Une vraie passionnée à l'émission qui nous parle de jeux de plateau, de jeux de société. On est toujours content de l'avoir. Monsieur Castegan à la console, merci beaucoup d'avoir été là. Ah, ça fait plaisir, j'ai été discret ce soir, trop de passion. À part c'est le début d'émission qui t'a échaudé. Ben, comme on dit, on est des passionnés et je sens que le début d'émission a été une belle démonstration de cette passion. Et voilà. Et mon ami, Michael Michaud, votre animateur, toujours content d'être là à chaque semaine pour vous parler jeux. Je vous rappelle rapidement que Puissance Maximale est un site internet, le www.puissancemaximale.com. Allez là pour écouter nos anciennes émissions, podcasts, lire nos nouvelles. Allez sur Facebook, tapez Puissance Maximale dans la barre de recherche. Vous allez nous trouver très facilement. Allez appuyer sur le bouton j'aime parce que nous aussi, on vous aime, mesdames et messieurs, et on veut que vous parliez de l'émission Puissance Maximale. Et notre projet s'en vient. On vous dit, ça fait 3 semaines qu'on vous dit ça, mais là, on a un petit pépin cette semaine assez majeur pour M. Castegan. On vous donnera pas la nature, mais disons que Andrew est pas mal occupé pour les 2 prochaines semaines. Mais on vous revient rapidement avec ça. On va avoir besoin de tout le monde qui veut encourager Puissance Maximale. Préparez-vous. C'est pour ça qu'on vous dit d'en parler à tous vos amis geeks passionnés de jeux. Ça s'en vient, quelque chose de le fun pour Puissance Maximale et surtout pour vous parce qu'on fait ça pour vous. Et on vous rappelle en terminant, on vous dit comme à chaque semaine de passer une excellente semaine de jeu. Little harmonica. I'm sorry. I got my 12-sided die and I'm ready to roll with a wizard and my goblin crew. My friends are coming over to my mom's basement bringing Funyuns and the Mountain Dew. I got a big broad sword made out of cardboard and that stereo's a pumping Zeppelin. It's that time of the night, we turn on the black light. Let the dungeons and the dragons begin, it's D&D! Fighting with the legends of yore, it's D&D! Never kissed a lady before. Nope. Mm-mm. Woo! All right. Take it home. A little solo for it. One more time.